Voici plusieurs décennies qu'ils ont envahi notre terre. Ensemble, chassons l'ennemi, boutons-le hors de nos frontières. Ils sont venus par milliers se faire engraisser par l'État, leur religion, leur mosquée, leur Coran et leur fatwa. Nous sommes les nouveaux croisés. Nettoyons toutes nos cités. Nous sommes les nouveaux croisés.